still fresh. We ébloui face à ton whining. Pour me plaire, t'as pas besoin d'effort. Et si c'est une question de timing, on va trouver le temps, on va pas parler fort. Yeah. Ouais, je fais mal, mais je le fais bien, tu le sais. Je suis dur, mais je suis doux. Et tu me connais quand j'y vais à fond. Faut pas déconner, même quand j'aime, j'ai la haine. Et s'il y a plus de réseau, tant mieux, y'a personne pour nous déranger. On fout le d'album, mais tranquille, on a tout le temps pour se ranger. Oui. On va pull up all night, on pull up all night. J'vois pas passer la résoie. On va pull up all night, on pull up all night. Gal, jamais tu me déçois. On va mouiller le maillot. Ma nuit à caresser ton dos. Tu vois ta prêter dans la salle de bain. Après ça tu ne voudras plus jamais rester solo. Ouais, tu vas tomber dingue, appelle-moi Massimo. Et si je te mets un film, tu verras pas la fin. Là je vais te faire tout oublier. Et si tu me connais, tu sauras que je suis brosson et que j'aime pas abandonner. Même si t'es fatigué, je m'en beurre, on refait. Et s'il y a plus de réseau, tant mieux, y'a personne pour nous déranger. On fout le d'album, mais tranquille, on a tout le temps pour se ranger. On va pull up all night, on pull up all night. J'vois pas passer la résoie. On va pull up all night, on pull up all night. Gal, jamais tu me déçois. On va mouiller le maillot. Mouiller, mouiller le maillot, yeah. On va mouiller. Je veux tous les accès ce soir. Demande-moi quoi que ce soit. Je te le donne même si je l'ai pas. Plus qu'un accessoire. Je veux tous les accès ce soir. Demande-moi quoi que ce soit. Je te le donne même si je l'ai pas. On va pull up all night. On pull up all night. Je vois pas passer la résoie. On va pull up all night. On pull up all night. Car jamais tu me déçois. On va mouiller le maillot. Mouiller le maillot, yeah. On va mouiller.